We'll be right back. C'est chiant ce bruit. Il n'a peut-être pas une bonne carte son.

Thank you. Thank you.